Chapitre 2. Ce qui n'empêcha pas Janina d'aller à l'hôtel du Louvre. C'est là que se passe la seconde scène, dans une de ces chambres bien numérotées qui font la joie d'une étrangère et qui feraient le désespoir d'une parisienne. Elle avait écrit à la faramineuse par la main de Madame Hamilton. Il n'y avait pas une heure qu'elle attendait, quand Caroline Bertin, qui ce jour-là n'avait rien à faire, vint en personne pour répondre à la lettre d'appel, inquiétée d'ailleurs par ce singulier orthographe. Dès que la jeune fille entendit frapper, elle noua un double voile. Elle ouvrit et se mit à contre-jour pour parler à Caroline Bertin. « Mademoiselle, j'arrive de Russie. Je sais que vous êtes à la mode, et je ne m'en étonne point en vous voyant. Vous faites la pluie et le beau temps dans les régions de la galanterie. Voulez-vous que je vous donne 10 000 francs pour... « Donnez toujours, princesse, nous verrons après. » C'est que le mari de Janina n'était pas si généreux. Il fallait lui arracher les billets de 500 francs. La jeune mariée déploya 10 billets de 1 000 francs, comme si elle eût déployé son éventail. La faramineuse les saisit avec ivresse. « Tout ce qu'il vous plaira, madame. » Caroline Bertin s'attendait à recevoir une déclaration à bout portant. « Mademoiselle, je sais votre vie intime. » Vous avez pour amant le vicomte de... qui a été le mien. Je veux le voir sans l'avertir. Faites-moi le sacrifice de m'ouvrir pour cette nuit votre chambre à coucher, où vous ne serez pas. De tout mon cœur, princesse. À quelle heure entre votre amant? Il vient toujours à 00h30. Eh bien, je serai là avant 00h. Disposez tout pour que la comédie soit bien jouée. Je donnerai 500 francs à votre femme de chambre. Naturellement, il n'y aura pas une bougie allumée. Il n'y aura pas même une bougie dans la chambre à coucher, car je ne veux pas être reconnue. Caroline Bertin était silencieuse. Elle ne voulait pas rendre les 10 000 francs, mais elle ne voulait pas perdre le vicomte. Enfin, une idée folle lui passant par l'esprit, elle parut se résigner. Soyez tranquille, princesse. J'ai une petite gueuse de femme de chambre qui est trop futée pour faire une bêtise. Donnez-moi toujours les 500 francs, ça lui donnera du cœur à l'ouvrage. » Naturellement, elle trouvait que ce serait de la folie de donner plus de 5 louis à une femme de chambre. Janina, qui déjà n'avait pas une haute estime pour la faramineuse, lui donne 500 francs sous un regard de pitié. « Donc, à 00h, » dit-elle. Caroline Bertin tendit la main à Janina, qu'il ne daigna pas comprendre. La jeune femme voulait bien qu'on lui tendît la main pour recevoir de l'argent, mais non pour serrer la sienne. En descendant le grand escalier de l'hôtel du Louvre, la courtisane rencontra le prince Rio. « D'où viens-tu, Caroline ?» La faramineuse prit un air mystérieux pour conter l'histoire au prince. « Voilà un mari heureux, » s'écria-t-il en riant. « Prince, vous avez votre coupé. « Mettez-moi à ma porte pour causer un peu. » « Que se dirent-ils ? » Cependant, la pseudo-princesse éclatait en sanglots. « Est-il possible que je vais jouer cette comédie ? » ?»« Oh non, je ne la jouerai pas. » Elle s'offensa de toute sa dignité. « Et pourtant, comme je serai heureuse de dire demain à mon mari, « Comment avez-vous passé la nuit ?» Affolée par sa passion, la téméraire jeune femme était capable de tout, hormis de trahir Fernand. Elle se disait que peut-être Madame Hamilton avait raison, et qu'il fallait tout risquer pour ne pas tout perdre. Qui sait, s'il ne voudrait pas recommencer toujours cette nuit-là ?